Amédée Pierre, je l'ai connu. Je l'ai connu. Et nous étions au pied de ces personnes-là. J'ai connu le cotonnier à Abobo. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu le cotonnier. Parce qu'il n'y avait pas toutes ces routes-là et tout. C'était un petit dancing où on allait tous les samedis soirs. On appelait le cotonnier. Et Amédée nous faisait danser de façon... Et ensuite, j'ai connu aussi ce qu'on appelait le dopé, le désert. Et là-bas aussi, nous nous sommes dopés. Et je voulais raconter une petite anecdote également sur le cotonnier. On y allait tous les samedis soirs, tous les sportifs, tous les bringueurs d'Abidjan. À ce moment-là, nous, on était jeunes, mais on bringuait. Et puis, on était là-bas, et il y avait une petite dame. Elle était haute, comme ça. C'était une naine. Et tous les samedis, elle choisissait un nouveau gars. Elle venait s'arrêter à côté de la voiture de cette personne-là. Et puis quand la personne arrivait, elle montait dans la voiture, de gré ou de force. Et vous étiez obligé de partir avec elle. Et ce samedi-là, ça avait été le choix, c'était porté sur un de nos grands frères, journalistes, dont je tairai le nom. Qui en ce moment-là avait une belle Fiat 124. Quand nous on est sortis, qu'on l'a vu, on est rentré, on dit, ah chef, aujourd'hui, c'est toi qui es le choix. Et je peux vous dire qu'il a abandonné sa voiture là. Heureusement que ce n'est pas comme aujourd'hui où on vole les pneus, on vole tout. Il a abandonné sa voiture jusqu'au lendemain à 14h. Nous sommes venus, on est restés à distance pour voir si elle était encore là. Comme elle n'était pas là, on est venu récupérer la voiture. Et quand on a raconté ça à Amédée Pierre, il allait mourir de rire. Tout ça, c'était le dopé, c'était le cotonnier, c'était Amédée Pierre. Le dopé, alors, on a eu tellement d'anecdotes là-bas qu'on ne peut pas en parler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, trêve de bavardage. 5, 4, 3, 2, 1. Amédée Pierre! Amédée Pierre, dans une éternelle jeunesse dont il a seul le secret, sur la scène du Palais de la Culture de Trècheville.